Alors je me présentai, silencieuse, craignant d'égarer mes pensées. Chaque lettre, chaque examen fut une offrande ou déclaration d'amour à des oreilles mortes. Mes amants n'entendirent jamais les consolations que je tissais de mes mains. Subsistance d'un point fragile, aussi fragile que le temps en ces étés. Dialogue à l'ombre d'autres dialogues. Le bourdonnement de banales convulsions. Excès des réussites pérennes entre Troyens et leurs bourreaux. De chats qui simulèrent le crépuscule. De pupilles qui n'expiraient pas à au lit. De lances brisées sur la peau du héros. Et le des corbeaux dans les tours. La mort d'Ajax parmi tant de corps advient devant une multitude d'ombres. Au rythme de monologues funestes, comme l'écho dans les ruines de Mixen. Nous vivons d'espoir qui sont tyrannies. À Thèbes, centre d'un autre corps exempt. Où les murs gardent sa lamentation. Elle de dit avant de reconnaître son crime. Suspendu dans ma prison, je tisse les fils de ceux qui ne reviendront jamais. Aïtac, le fil est une seule douleur. C'est celle du vainqueur et du vaincu. Ulysse et Cul.